intense et sensuelle qu'elle, vous avez la chance parce que c'est la première fois qu'elle le présente sur scène pour vous. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Olivia Ruiz.